Bonjour à toutes, bonjour à tous, vous êtes bien dans l'émission Clip Clap on tourne et aujourd'hui c'est Michel Bouquet avec son film La sirène du Mississippi. Il y a la technique, c'est... C'est Marcus, bonjour Tanguy. Bonjour Marcus, je vais commencer par la biographie de Michel Bouquet. Nom de naissance, Michel-François-Pierre Bouquet, naissance le 6 novembre 1925, professeur acteur. Biographie, enfance, formation et début. Fils d'un officier et petit-fils de cordonnier, très jeune, à 7 ans, Michel Bouquet est envoyé en pension avec 3 de ses frères. Expérience difficile qui le marquera pour cet enfant réservé qui doit affronter la cruauté de ses camarades. Après ses études, il enchaîne les petits métiers, apprenti pâtissier, employé de banque. Pour aider sa mère seule à élever ses enfants, son père est emprisonné de guerre. En 1943, alors que sa mère le croit à la messe, Michel Bouquet se rend chez Maurice Escande, sociétaire de la Comédie française, qui lui propose de suivre des cours, intégrant le Conservatoire d'art dramatique de Paris en compagnie de Gérard Philippe. Carrière au théâtre. Michel Bouquet a marqué le théâtre en participant à l'introduction en France de l'œuvre de Pinter et en reprenant souvent quelques grands rôles. Carrière au cinéma. Michel Bouquet fait sa première apparition au cinéma dans Monsieur Vincent de Maurice Cloche, 1947, aux côtés de Pierre Fresnay. Premier, ma chère. Et puis ça n'est pas tous les jours la peste. Bon, il faut bien manger, boire, danser, être gai. C'est le seul remède connu. Ça, c'est votre chemin, on ne connaît pas Monsieur de Paul. Foutez-moi le camp, immédiatement. Mon épée, qu'on donne mon épée. La charité, Monsieur le chancelier, c'est de les aider. En leur laissant leur qualité d'homme. La charité, mais c'est vous qui l'avez inventé, la charité. Je ne vous permets pas d'enjuger. Tu veux que je t'essaye, dis, sous ma tente. Je les arrête. Osez au moins me regarder. Faites-moi au moins l'aumône d'un regard. Je ne vous demande pas votre sentiment, Monsieur de Paul, ni vos préférences. Vous êtes de retour de M. Kéclapon Tourne et vous avez entendu un petit extrait de M. Vincent de Maurice Clos. En 1947, avec Michel Bouquet et Pierre Fresnay. Ce comédien prolifique, raffiné, parfois énigmatique, alterne théâtre et cinéma tout en affirmant préférer les planches à l'écran. Il s'est notamment fait connaître par ses interprétations de bourgeois typiques des années 70, dans l'œuvre de Claude Chabrol et de François Truffaut. Il n'hésite pas non plus à endosser des rôles antipathiques, à jouer des personnages équivoques. Sa silhouette ronde, son visage d'ascète et sa voix grave lui confèrent singularité et profondeur. Chez François Truffaut, il est comme Oli, le détective privé assassiné par Jean-Paul Belmondo de la sirène du Mississippi et l'une des victimes de Jeanne Moreau dans La mariée était en noir. Pour Chabrol, il a joué la femme infidèle, suivie par son beau-frère méchant, Daudran, dans La rupture. Dans les années 1970,

chérie, là-haut, vers le brouillard. Elle descendait dans le midi. Le midi, ils se sont quittés au bord du matin. Vous êtes de retour de l'émission au clip Clap en tourne, et c'était un petit extrait des Anneaux de Bicêtre de 1976. Mais il est aussi, dans la même année, le redoutable milliardaire dans la comédie Le Jouet de Francis Weber. Dans cette décennie, il a joué dans des rôles sombres pour André Cayette, dans Il n'y a pas de fumée sans feu et La raison d'État. Autre film au sujet politique est L'attentat d'Yves Boisset. Les années 1980, il incarne un notaire pourri et l'ennemi de Stéphane Audran dans Poulet au vinaigre, 1986, encore chez Claude Chabrol. Pour faire un bon poulet au vinaigre, prenez un poulet authentique. Je suis flic, officier de police Lavardin. J'ai une poule chez moi d'ailleurs. Il y a un flic qui vient d'arriver pour enquêter. Police judiciaire. Un poulet est pas trop nerveux. Vous avez pas le droit. On peut tout, mon petit gars, quand on est de la police. C'est tout ce que t'as à me dire. Un poulet plutôt tendre. On se repose une seconde. Une pincée de folie. Il est pas devenu fou, lui. C'est un fou. Ça fait peur, Louis. Ces gens-là sont fous et méchants. Saupoudré d'agressivité. Ajoutez 2 cuillerées de mystère. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Tout. Déglacez avec un brin d'érotisme. Ça peut pas être une histoire de cul. C'est un ange. Laissez mijoter dans le suspense. Tu veux la guerre? T'auras la guerre. Sans oublier le vinaigre. Edda. Delphine a disparu. Qu'ils crèvent tous. Ça va mal se terminer, tout ça, je te préviens. Elle est morte, maman. Elle s'est tuée. Edda 2. Et chut. Les loups pourrissent de l'intérieur. C'est une recette secrète. Ne dis rien, Louis. Ne dis rien, Louis. Je vous piégerai, je vous préviens. Parce que je sais boire l'air, moi aussi. Même la nuit. Et servez chaud. Bon appétit et régalez-vous. On est de retour de la messe Clap en tourne. C'était un petit extrait de Poulet au vinaigre, 1986, de Claude Chabrol. Il a endossé en 1982 le rôle de Javert dans Les Misérables. À propos du sujet précis de Michel Bouquet en tant qu'acteur de cinéma, Claudia, sa partenaire de Les Anneaux de Bicêtre, formée au théâtre, écrit dans son livre « Michel Bouquet, une précision extrême. Je suis très impressionné par sa concentration et sa capacité de travail. Il se prépare parfaitement à ce rôle de mania de la presse, subitement frappé d'hémiplégie. Il ne dira son texte qu'en voix off. Quand arrive le tournage, rien ou presque n'est semblable à ce qu'on n'avions imaginé. Récompense. Michel Bouquet est 2 fois lauréat du Molière du meilleur comédien. Théâtre. Quelques théâtres. 1944. Première étape. Mise en scène. Jacques Dolin. 1946. Roméo et Jeannette de Jean Anouilh. 1947. L'invitation au château de Jean Anouilh. Cinéma, filmographie, 1947, Monsieur Vincent de Maurice Cloche, 1955, La tour de Nels d'Abel Gance, 1970, Borsalino, et 1972, L'attentat d'Yves Boisset. J'en ai fini sur sa biographie, je vais passer à son film La sirène du Mississippi, réalisation François Truffaut. Pays d'origine, France-Italie, genre film dramatique, durée 123 minutes. La sirène du Mississippi est un film français de François Truffaut, sorti en 1969. Vous ne me reconnaissez pas, monsieur Mahé ? Pardon ? Je ne comprends pas. Je suis Julie. C'est moi, Julie Roussel. Julie Roussel ? Je ne vois pas. Vous trouvez que je ne ressemble pas à la photo ? Non. Le portrait que je vous ai envoyé n'était pas le mien. C'est celui d'une voisine. Vous savez, ce n'est pas facile de se confier à quelqu'un par correspondance. J'aimais beaucoup vos lettres, mais au début surtout, je ne pouvais pas m'empêcher d'avoir des craintes. C'est pour ça. Plus tard, lorsque vous m'avez proposé... lorsque vous m'avez demandé en mariage, j'ai voulu vous envoyer ma vraie photo et puis je n'ai plus osé. Et puis Berthe, ma sœur, m'a dit, lorsque M. Maïd verra, il te pardonnera. Votre sœur avait tout à fait raison. Vous n'êtes pas déçu ? Regardez-moi, est-ce que j'ai l'air d'un homme déçu ? Et vous voyez, vous croyez avoir fait une partie du chemin, mais c'est pas tout à fait vrai. Il va falloir que je me réhabitue à vous, que j'apprenne à vous connaître. Vous pardonnez le mensonge de Julie Roussel ? C'est un mensonge adorable. Vous êtes de retour dans le Maison qui clape en tourne, c'était un petit extrait du film. Louis Maté, un Français de La Réunion, entre à la suite d'une petite annonce en contact épistolaire avec une certaine Julie Roussel, vivant en Nouvelle-Calédonie. Après échange de lettres, ils conviennent de se marier. Mais quand celle qui doit devenir sa femme arrive à La Réunion au bord du Mississippi, un navire des messageries maritimes, Louis ne reconnaît pas celle dont il a la photo. Comme il s'en étonne, la jeune femme lui avoue en avoir envoyé une fausse. N'ayant plus aucune nouvelle de Julie depuis des semaines, sa sœur Berthe écrit son inquiétude à Louis, lequel demande alors instantanément à Julie de rassurer sa sœur. Mais là, supposé, Julie disparaît alors en vidant les deux comptes de celui qui l'a épousée. Berthe, venue en toute hâte de Nouvelle-Calédonie à La Réunion, découvre que Louis n'a pas épousé sa sœur, mais une aventurière qui s'était fait passer pour elle. Louis et Berthe engagent alors un détective privé, comme Oli, pour retrouver l'usurpateur et découvrir ce qu'il est advenu de la vraie Julie Roussel. Parti se reposer en France de sa désillusion, Louis Maté est pris de faiblesse dans l'avion et se retrouve en cure de sommeil dans une clinique niçoise. Découvre, regardant la télévision, que la jeune femme qu'il a épousée et qu'il a détestée de tout son argent travaille en ce moment dans une boîte de nuit d'Antibes. Il remonte jusqu'à l'hôtel de la Sirène et le contraint à s'expliquer. Elle s'appelle Marion Vernago et lui avoue toute la supercherie. Malgré cela, comme Oli, le détective privé que Louis et la sœur de Julie avaient engagé et payé chacun pour moitié, retrouve à son tour la trace de Marion pour protéger celle dont il est maintenant passionnément épris. Louis est amené à tirer sur Comoli et le tuer. Le couple s'enfuit alors pour Lyon, puis le cadavre étant fortuitement découvert par la suite. Ils partent en catastrophe, avec la mallette qui contient presque tout leur argent, se réfugient dans un chalet de montagne à proximité de la frontière suisse. Ils sont désormais quasiment sans le sou et Marion, n'acceptant pas la perspective d'une vie de couple fauchée, décide d'abandonner Louis. Comme il n'en empêche, elle tente de l'empoisonner. Louis s'en aperçoit et lui avoue qu'il l'aime tellement qu'il est prêt à mourir s'il le peut. Touché par cet aveu, Marion est saisie de honte et lui retombe dans les bras. Fiche technique. Titre « La sirène du Mississippi ». Réalisation François Truffaut. Format couleur, genre film dramatique et date de sortie le 18 juin 1968. Distribution. Jean-Paul Belmondo, c'est Louis Maté. Catherine Deneuve, c'est Marion Vergano. Michel Bouquet, c'est Comoli, le détective privé. Et Marcel Berber, c'est Jardine. Analyse. Ce film, dont l'action se déroule à La Réunion, est la deuxième adaptation par François Truffaut. Après, La mariée était en noir. Jean-Paul Belmondo surprend dans un rôle plutôt inhabituel, des victimes devenant consentante et presque complice de sa propre fin. Les frontières sont floues entre escroquerie, douleur et plaisir. Tu et vous, distance et intimité. Parmi les lieux de tournage, le vieil Antibes où Belmondo escalade un immeuble 3 étages, en un long plan séquence de 3 minutes. La fin du film a été tournée dans le massif de la Chartreuse, dans un chalet où fut tourné quelques années auparavant, tiré sur le pianiste avec Charles Aznavour. Dans le rôle de la femme pernicieuse, Catherine Deneuve livre une grande interprétation, n'éprouvant que peu de scrupules face au cadavre de Comboli. Alors est-elle une pousse au cri ou une véritable meurtrière qui se joue de son mari jusqu'à l'empoisonner sans manifester la moindre émotion? Belmondo, quant à lui, livre une composition loin de ses rôles, lisse de héros. Son personnage est celui d'un empoté, prisonnier de ses principes et de son envie d'être amoureux. Tous les détails que l'acteur exécute montrent un anti-héros conscient de sa valeur. Au début du film, il est industriel et qui enrage si ses habitudes sont modifiées. Finalement, on découvre un personnage conformiste, convaincu par des niaiseries, sa tirade sur les femmes dans les aéroports, prêt à tuer au nom de ses principes. Beaucoup de passages sont révélateurs de sa façon de penser lorsque sa femme est séquestrée dans la rue. L'interaction des actes des deux personnages fera toute la romance du film et ses rebondissements. Tout porte à croire que l'enchaînement des événements se calque sur le déroulement d'une tragédie grecque, comme si ce qui devait arriver arrive. Finalement, c'est la question principale de savoir si Marion est une meurtrière, avec le passage central du seul meurtre filmé. Michel Bouquet, lui, aussi d'une régularité parfaite dans son interprétation. Toute la cruauté du film tient dans cette exposition de deux personnages qui, livrés à eux-mêmes, font ce qu'ils peuvent malgré leur fonction. Citation. Les derniers mots que prononce Jean-Paul Belmondo, c'est une joie et une souffrance. Truffaut fait également référence à un film de Jean Renoir, Le crime de Michel-Ange, 1936. Dans le titre du film, Mississippi est écrit avec un seul P, car il est fait référence au nom du navire des messageries maritimes d'où débarque Marion, et qui s'écrit ainsi. Dans le titre français du roman, qui se déroule à la Nouvelle-Orléans. J'en ai fini sur ce film, et je peux vous dire que la rediffusion, c'est le lundi matin à 9h. Bonne semaine à tous, au revoir.